Hey, c'est le 9, 5, Val d'Oise Tex. BS Boys, clan de la galère, mon frère. Ça vient du 9, 5. C'est le truand de la galère. BS Boys, on vient du 9, 5, mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. C'est le truand de la galère. BS Boys, on vient du 9, 5, mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. Encore une fois la bande noire reprend la relève. Toute ma vie se résume en mauvais élève. Autour de nous trop de biates. Sur nos teufs veulent poser leurs lèvres. Truand de la galère, synonyme du 95. Chez nous, trois packs ça dort. Tous nos skills font disque d'or. Toujours en forme, prêt à charger sur l'uniforme. CZCRF morsal, Herma de Zen et sans bastos. Qui représente tous les cassos. Donc il est un et les polos. 995, on peut baisser tous les feux que. C'est les truands de la galère. Si elle buzz, on vient du 9, c'est mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. C'est le truand de la galère. Si elle buzz, on vient du 9, c'est mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. Tu te demandes sûrement pourquoi je pose avec le truand. Je suis un putain de boss attiré par le brillant. Je viens du Val d'Oise, thug, mec, c'est flippant. Un BS boss ne meurt pas, ouais, je suis toujours vivant. On a des bastos, demande à Samba. On s'en bat les balais. Dédicace à mon homeboy, Misa. Yeah, négro qui t'a mis ça. C'est Zen, Morsal, Samba et RMADZ. Représente le quartier, représente le ghetto. Représente ton bloc, négro. Si tu empêches mon bagage de briller, c'est ma main qui viendra te plier. C'est les truands de la galère. Billet buzz, on vient du 9, c'est mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. C'est les truands de la galère. Billet buzz, on vient du 9, c'est mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. On sacrifie les poulets. 9-5 dans le Nord, fuck le rap français. Fait des chiffres d'affaires abusés à la cité. Sodomie du game sans bastos trop respecté. Coup de fusil à pompe, on voit bleu comme un filet. C'est la récession, l'industrie, on vient crailler. Crimi criminel sans bastos sur ses PD. C'est le VLD dans la course, tu t'enculé. On peut pas reculer, les terres comme poulet. Dans ma place, cette gang, ça cavale après les billets. THUG, Bibi dans le QG. Le bas qui pisse et apprends-toi quand on est jugé. C'est les truands de la galère. BS Boys, on vient du 9, c'est mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. C'est les truands de la galère. BS Boys, on vient du 9, c'est mon frère. Ferme ta gueule, on te met une bague dans ta gueule. Je représente le 9-5. Nique les commères, les petites putes qui portent plainte. Arrête de jouer le beau gosse avec ta catin. Mes petits frères picrapent du bon shit sur le terrain. Soulève les petites putes et les ramène au Formule 1. Notre marque truand de la galère se picrape trop bien. Morsal CRF, deux Algériens. Morsal CRF représente tous les Africains. On vient de loin. Tu t'imagines cousin, on baisse le commissaire Moulin. Ferme ta gueule, on te met une part dans ta gueule. C'est le truand de la galère. BS Boys, on vient du 9, c'est mon frère. Ferme ta gueule, on te met une part dans ta gueule. C'est le truand de la galère. BS Boys, on vient du 9, c'est mon frère.